Lire une recette, je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis très heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Pierre Dardot et Pierre Sauvêtre. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Dardot, vous êtes philosophe, vous avez co-signé avec Christian Laval de très fameux ouvrages, dont La nouvelle raison du monde, essai sur la société néolibérale, et puis Commun, très fameux. Pierre Sauvêtre, vous êtes sociologue spécialisé dans les études sur Foucault et vous êtes tous deux membres du Quatuor qui a présidé à la rédaction de cet ouvrage collectif « Le choix de la guerre civile, une autre histoire du néolibéralisme » qui est publié chez Lux. Alors, le Quatuor compte évidemment deux autres membres, Christian Laval, que j'avais reçu ici à Hors-Série pour ce cauchemar qui n'en finit pas, co-signé avec vous, Pierre. Et ainsi que Aude Guéguen, qui n'était malheureusement pas disponible aujourd'hui pour tourner avec nous cet entretien. C'est donc avec vous deux que je tournerai cette discussion, que je mènerai la discussion sur ce livre, Le choix de la guerre civile, ouvrage collectif qui entreprend d'examiner l'histoire du néolibéralisme, non pas tant comme doctrine que comme stratégie. La stratégie de la guerre civile, n'hésitant jamais à mobiliser la violence d'État comme un outil légitime de mise au pas des populations. Alors, les travaux qui constituent cet ouvrage sont issus d'un groupe d'études, le GENA, groupe d'études sur le néolibéralisme et les alternatives, groupe d'études qui a comme caractéristique notamment la transdisciplinarité et la dimension internationale de ces études. Et du coup, ça permet, la lecture de l'ouvrage, ça permet une saisie très globale, vraiment internationale, de cette configuration particulièrement violente du capitalisme qui règne désormais partout, le néolibéralisme. Cette doctrine qui a pour adversaire officiellement la planification et le collectivisme, mais qui tend concrètement, partout où elle s'exerce, à faire la guerre à la démocratie et aux populations elles-mêmes dès lors que celles-ci se mettent à revendiquer plus de justice et plus d'égalité. Tant et si bien qu'on a l'impression qu'on finit par assister à quelque chose comme une dérive fascisante des régimes néolibéraux à travers le monde. Mais quand on emploie cette expression de dérive fascisante, on sent bien qu'on prend un peu un risque. D'abord en mobilisant l'analogie avec les fascismes du XXe siècle, avec ces dictatures intégrales. On prend le risque d'une analogie un peu grossière qui manquerait de nuances, de précision, de clarté dans l'identification de la violence propre au néolibéralisme. Et puis surtout, en formulant l'hypothèse d'une dérive, on essaie de se convaincre qu'on assisterait à quelque chose comme une dégénérescence, un dévoiement de la doctrine initiale. Or, ce que cet ouvrage tend à démontrer, article après article, c'est que ça n'est pas tant une dégénérescence, un dévoiement, que, au fond, la réalisation d'un programme disciplinaire conçu dès le départ, dès les années 30, comme une confiscation de la démocratie ayant vocation à interdire définitivement la souveraineté populaire. Alors évidemment, on va revenir dans cette conversation sur cet autoritarisme néolibéral, la manière dont il voisine avec la violence fasciste, la manière dont parfois il peut l'emprunter. On va tâcher de vraiment revenir sur ses spécificités. Mais avant de se lancer dans ces difficiles questions, je voudrais partir de l'actualité, puisque nous tournons cette discussion au lendemain du deuxième tour des élections régionales qui se tenaient dimanche, hier pour nous. Élections qui ont vu le double triomphe du néolibéralisme et de l'abstention, si on peut parler de triomphe s'agissant de l'abstention. Donc s'agissant du néolibéralisme, qu'il soit rose pâle ou bleu pâle, évidemment, toutes les présidences de région sont dans les mains du dogme néolibéral, comme toujours, pourrait-on dire, puisque ça se répète de scrutin en scrutin. Néolibéralisme partout, démocratie nulle part. On serait tenté de dire peut-être que l'abstention massive qui va encore augmentant, peut-être est la conséquence en fait justement de cette hégémonie néolibérale. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet à examiner entre l'hégémonie néolibérale et la montée de l'abstention. Est-ce que vous, c'est un lien de causalité auquel vous souscrivez, que vous pouvez éventuellement déployer un petit peu ? Bah oui, il me paraît que le lien est assez évident, parce qu'on a une montée de l'abstention, donc d'élection en élection, mais là, 33%, 63%, 60 et quelques, oui, c'est quelque chose d'énorme, et je crois qu'il faut mettre ça en rapport avec les politiques gouvernementales et avec le fait que les différents partis, quelle que soit leur couleur politique, gauche ou droite, n'ont jamais jugé bon, justement, de prendre des distances par rapport à cette espèce de bridage, comment on pourrait appeler ça, une manière d'interdire toute délibération politique publique sur la question de l'orientation des politiques sociales et économiques. Alors ça, c'est fondamental, parce qu'on voit aujourd'hui que derrière les questions de personnes, il y a des positionnements qui préparent les présidentielles et que les enjeux départementaux et régionaux n'avaient que très peu d'importance dans l'affaire. Mais ce qui est important, en revanche, c'est que justement, les grands partis, ou les petits d'ailleurs, ne remettent en général pas en cause du tout cette espèce de discipline, par exemple, cette discipline budgétaire. Bon, là, dernièrement, il y a un mois et demi de cela, on a pu entendre un député LREM qui était rapporteur au budget dire que le pays avait besoin d'une constitution financière. Le terme est remarquable parce que constitution financière, pour nous, c'est vraiment une expression typiquement néolibérale, ordolibérale d'ailleurs presque, dans son principe même, dans son énoncé. Et Bruno Le Maire lui a emboîté le pas en disant qu'il faudrait désormais qu'il y ait en effet une limite en valeur absolue du nombre d'euros des dépenses que pourrait consentir une législature. Donc il y avait un mandat de 5 ans. On engage une discussion, bien sûr, on associe les partis, donc on fait mine de faire droit à la place du Parlement, mais on associe les partis pour les enchaîner à un choix qui serait celui de la rigueur budgétaire, c'est-à-dire on ne doit pas dépasser en 5 ans telle ou telle valeur absolue en euros. Ouais. C'est même plus grave que ce qui se passait avant, où on pouvait discuter du pourcentage du PIB. Là, ce n'est pas le pourcentage du PIB, c'est vraiment la valeur absolue en euros. Donc là, je crois que c'est vraiment une illustration de ce que dans le livre, on appelle, avec Pierre et les autres amis avec lesquels on a fait le livre, la constitutionnalisation, le constitutionnalisme de marché, parce que là, c'est assez terrifiant. Et il n'est pas étonnant dans ces conditions que la plupart des citoyens ne s'y retrouvent pas et se disent de toute façon, quel que soit le vote que l'on va avoir, de toute façon, ça ne changera rien sur les orientations fondamentales, puisque personne n'a de prise sur la définition de ces orientations fondamentales, et surtout pas nous. Donc à quoi bon se déplacer, à quoi bon aller voter? Et un certain nombre de gens, effectivement, qui votaient pour telle formation, y compris d'ailleurs pour le Rassemblement national lui-même, ne sont pas allés voter, ce qui est d'ailleurs assez significatif, parce que au-delà des enjeux qui sont, encore une fois, ceux des départements et des régions, il y a quelque chose qu'il faut interroger, qui est de l'ordre de la lassitude électorale en termes de démocratie électorale, quoi. D'épuisement. On a l'impression que beaucoup de gens se disent, voilà, on est allé au bout des possibilités, il y a une sorte d'épuisement. Finalement, que va importer, que va faire, quelles conséquences pratiques va avoir notre vote. Et beaucoup de gens, raisonnant comme ça, se sont dit, la meilleure façon, finalement, de se comporter, c'est de ne pas aller voter. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout étonnant. Et je crois que vous avez tout à fait raison de parler d'un lien de cause à effet. C'est ça. Pierre Sauvêtre, vous voulez compléter sur cette analyse de l'abstention et ses rapports avec l'hégémonie néolibérale? Ben oui, ce que je voulais ajouter pour faire le lien avec un autre événement, c'est ce qui s'est passé la nuit précédente à Redon, en Bretagne, où il y a eu une intervention policière assez violente pour disperser des jeunes qui faisaient une rave party. Et puis, cette abstention aux élections régionales, où on a un tableau assez net de ce dont on parle dans le livre, du néolibéralisme qui se dessine, c'est-à-dire aucun avenir proposé à la jeunesse si ce n'est cette répression. Et dans ce contexte-là, l'abstention apparaît comme quelque chose de tout à fait évident, puisque... On ne va pas aller voter pour des gens qui nous matraquent et nous mutilent, évidemment. Ce n'est pas très stimulant en relation à la gouvernance. Alors, vous avez, Pierre Dardot, mentionné le principe de la constitutionnalisation, qui est un pilier vraiment de la doctrine néolibérale. Constitutionnaliser, c'est-à-dire placer dans la Constitution, dans un endroit indiscutable, un certain nombre de préceptes assurant la garantie de la propriété privée, de la liberté d'entreprendre, prendre et commercer, en gros. On va mettre toute la logique du marché libre à l'intérieur de la Constitution. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les abstentionnistes, là, perçoivent qu'il y a bien une confiscation de la démocratie par la constitutionnalisation, mais dans les faits, effectivement, dans les pays de l'Union européenne, nous sommes la proie, si je puis dire, hein, de la constitution, enfin, du TCE, c'était le traité constitutionnel européen qui a été adopté sous la forme du traité de Lisbonne, alors que les Français avaient voté non, et d'autres pays. Bref, nous sommes la proie, en effet, d'une constitution qui nous a absolument dépossédés des outils de la délibération s'agissant des politiques économiques. Alors, en Union européenne, c'est donc le traité européen, mais auparavant, vous examinez dans le livre l'exemple chilien. Mmh. Hein, là, on a vraiment deux cas tout à fait manifestes entre la constitution de l'Union européenne et le cas chilien. Deux cas tout à fait manifestes de sanctuarisation, en quelque sorte, sanctuarisation des politiques économiques à l'intérieur d'un espace inaccessible à la délibération et à l'arbitrage populaire. Et vous associez souvent ce phénomène de constitutionnalisation au terme de dépolitisation, qui est le terme, je crois, que les néolibéraux ont tendance à employer eux-mêmes. Mmh. Ils parlent d'une dépolitisation, hein, des règles économiques, on va les dépolitiser, on va les planquer en quelque sorte, enfin, pas les planquer, mais les sanctuariser, dans un endroit où le peuple ne pourra pas venir nous emmerder, en gros. Vous reprenez le terme de dépolitisation. Et moi, à chaque fois que je vous lisais avec dépolitisation, là, même si vous mettez des guillemets, ça ne me va pas. Parce que ça ne dépolitise pas. Le fait de mettre dans la Constitution ces règles-là, les règles du marché libre, ce n'est pas dépolitiser, c'est politiser à droite et faire en sorte que ce soit indiscutable. Mais en reprenant le terme de dépolitisation, ça donne l'impression que ce seraient des règles de neutralité, de bonne conduite, comme disent les néolibéraux. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion de dépolitisation que les néolibéraux emploient eux-mêmes au sujet de ce qu'ils font, et que vous avez tendance à reprendre vous-même, comme si vous entériniez le fait que, oui, leur démarche de constitutionnaliser la politique économique, c'est de la dépolitisation. Mais ça ne dépolitise pas, me semble-t-il. Lequel des deux se lance? Oui, bon, je veux bien, dans la mesure où la notion est en effet utilisée par les néolibéraux, elle l'a toujours été. Hein, donc, ouais. Elle l'a été en particulier par Hayek, qui parlait de détrôner la politique dans un ouvrage assez important qui s'appelle « Droit, législation et liberté ». Et c'est vraiment un refrain que les néolibéraux reprennent totalement à leur compte, dans la mesure où ils considèrent que la sphère de l'économie doit être protégée de toute intrusion de la politique. Alors, évidemment, quand ils parlent comme ça, dans ces termes-là, lorsqu'on reprend à notre compte le terme de dépolitisation, on ne veut pas signifier plus que cela. C'est-à-dire que ce qu'eux entendent par soustraire à toute délibération publique, et en effet, la délibération publique, c'est quelque chose qui est essentiel à la politique. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut considérer qu'il y a, en effet, une forme de dépolitisation. On y revient par soustraction. Mais ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. Ouais. On y revient notamment dans la dernière partie du livre et tout à fait à la fin, en conclusion. On revient vraiment de manière assez précise là-dessus. Il y a quelque chose de fondamental qui a un lien d'ailleurs avec la réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure sur le résultat des élections régionales. C'est qu'il y a vraiment une restriction délibérée du champ de ce qui peut être objet de délibération. Il y a une restriction délibérée du champ du délibérable. Et c'est précisément ce qui, pour nous, est fondamental dans cette tentative de dépolitisation. Donc ça ne veut pas dire que nous entendons par politique la même chose que ce que les néolibéraux entendent par politique, mais ça signifie en revanche que, effectivement, pour eux, ça a pour signification le fait de soustraire ça de cette arène dans laquelle des opinions contradictoires peuvent s'exprimer concernant l'orientation de la politique économique et sociale. Ouais. Donc en ce sens-là, c'est effectivement quelque chose qui menace l'existence de la politique, parce que si on soustrait au champ de la délibération publique les orientations fondamentales de la politique économique et sociale, à ce moment-là, il y a de la politique, mais dans quelle mesure? Parce que la politique sans délibération publique, c'est quand même quelque chose de difficile à concevoir. C'est l'essence même de la politique. Donc c'est la raison pour laquelle nous reprenons à notre compte, sans pour autant partager la conception de la politique que les néolibéraux se font. Oui, c'est ça. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose sur la notion de dépolitisation? Oui, ben, cette notion-là ne signifie pas, évidemment, une neutralité qui est affichée par les néolibéraux, c'est-à-dire, eux, se parent du fait que il s'agit de quelque chose qui viendrait du droit ou de l'économie, c'est-à-dire d'une vérité placée au-dessus de la politique, alors qu'en réalité, il s'agit bel et bien de leur part d'une politique. Donc Voilà, on pourrait utiliser l'expression, la formule de politique de dépolitisation. Il s'agit bien d'une politique au sens où ce sont bien souvent des gouvernants et des hommes politiques qui se servent de ces outils de l'économie ou du droit pour justement neutraliser la délibération publique, pour dépolitiser. Ouais. Mais alors, ils se réclament d'une espèce de... Il y a une dimension presque métaphysique, je trouve, dans la doctrine néolibérale, parce que s'agissant donc de ces règles du marché libre qu'ils veulent constitutionnaliser, qu'ils ont de fait constitutionnalisé, on trouve chez Hayek notamment un peu une représentation de ces règles comme préexistant presque à l'organisation sociale. Je cite un des articles, vous commentez la théorie institutionnelle de Hayek, Friedrich, hein, oui, c'est Friedrich Hayek en ces termes. L'essentiel est que les lois, au sens des règles du droit privé, préexistent à la Constitution. Cette dernière implique l'existence préalable d'un système de règles de juste conduite. Et procure simplement une machinerie, donc la Constitution, une machinerie pour lui donner régulièrement une force exécutoire. Et plus loin, c'est Hayek qui parle là. Les lois ne sont pas faites par le législateur. Alors ça, c'est dingue. Donc, les lois, ça fait partie des nombreuses antiphrases, enfin des espèces de figures du déni qu'il y a dans la rhétorique néolibérale qui est assez fascinante. Donc les lois ne sont pas faites par le législateur. En fait, elles préexistent, elles sont dans une sorte de ciel des principes au-dessus de nous et doivent s'appliquer à nous comme une religion indiscutable. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une composante un peu religieuse, au fond, en tout cas chez les fondateurs de la doctrine, dans les années 30, chez Hayek notamment. Quelque chose d'un peu religieux, non, dans l'indiscutabilité des principes du marché libre. Alors, il faut distinguer parce qu'il y a des conceptions de la loi qui sont assez différentes chez les uns et les autres. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'ils appartiennent au néolibéralisme comme tout qu'ils sont d'accord absolument sur tout. Hayek, lui, est un évolutionniste culturel, c'est-à-dire qu'il pense que les lois, ce qu'il appelle les lois, c'est-à-dire les règles du droit privé et pénal, sont le fruit d'une sélection inconsciente sur plusieurs siècles. Mmh. Et donc, il considère que c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher, parce que finalement, ça n'est pas le législateur humain qui en est l'auteur. Il n'y a pas d'auteur, d'ailleurs. Il n'y a pas de dessin. Ouais. Il n'y a pas de projet au point de départ. Il y a un jeu qui s'opère, comme ça, sur le long terme, qui est consacré par l'usage. Et donc, ça n'est pas vraiment une métaphysique au sens traditionnel du terme. Mais en revanche, il y a un autre courant, celui de l'ordolibéralisme, qui considère en effet que les lois sont bien pour l'essentiel le fait des hommes et par conséquent doivent être rapportées à des législateurs. Ils ont une conception singulièrement différente de la place du législateur que celle de Hayek. Mais ils s'entendent néanmoins pour considérer que justement il y a des lois entre guillemets, c'est-à-dire des règles qui doivent être d'une manière ou d'une autre sanctuarisées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et par conséquent mises à l'abri de toute contestation publique. Ouais. Ça, c'est très important. Mais vous avez parlé de Pinochet. Alors là, le cas est d'autant plus important qu'en général, il est refoulé à l'arrière-plan parce que souvent, il y a des gens qui disent « mais ça, c'était une exception tout à fait fâcheuse parce que c'était vraiment pas vraiment la voie qu'a emprunté le néolibéralisme après ». Mais il faut quand même considérer qu'il y a là quelque chose d'assez exemplaire. Ce n'est pas, bien sûr, la voie unique, mais c'est une voie assez exemplaire parce que la Constitution de 1980 a été faite sur mesure. On parle du Chili, en effet, les desseins ou les projets politiques de Pinochet. Donc, il faut comprendre qu'entre 1975, le coup d'État est le 11 septembre 1973, en 1975, vous avez une réorientation dans le sens de la politique économique préconisée par Milton Friedman. Et puis, vous avez ensuite, en 1980, une constitution qui a été préparée par un comité d'experts dirigé par Guzman, qui est l'idéologue de la dictature, qui a était un disciple, qui est un professeur de droit constitutionnel, disciple de Hayek. Ah oui, donc la filiation, donc voilà, la filiation est absolument directe. Direct. Ouais, il n'y a même pas à inventer quoi que ce soit, à se demander quel rapport intellectuel il y a eu entre le disciple et le maître, etc. Non, c'est la raison pour laquelle nous tenons absolument à revaloriser, si je puis dire, l'apport particulier qui est celui de Hayek dans cette configuration idéologique ou intellectuelle. Et là, c'est une constitutionnalisation, c'est plus qu'une constitutionnalisation, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la Constitution européenne. Alors ça, c'est un peu particulier, parce que vous avez effectivement des règles qui sont celles du traité de Lisbonne. Mais en ce qui concerne le Chili, c'est quand même une constitution qui a été du début jusqu'à la fin, élaborée pour servir un projet explicitement néolibéral. Ouais. Donc, même si on ne peut pas parler d'une constitution intégralement néolibérale, c'est une constitution qui obéit à un projet, à la logique d'un projet politique, qui est un projet néolibéral. En particulier, ça va être remis en cause, je pense que ça va être remis en cause par les travaux de la constituante chilienne, qui doivent prendre fin normalement en juin 2022, et il devrait y avoir une remise en cause assez directe de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, hein, principe qui est au cœur de la constitution chilienne de 1980, établit que l'État, lorsqu'il se présente sur un marché où il y a un certain nombre d'offres de la part du privé qui sont faites, doit démontrer qu'il est supérieur en efficacité aux offres qui sont faites par le privé, et ceci doit être ratifié par un vote express des deux chambres du Congrès. Donc c'est quand même pas mal comme constitutionnalisation. C'est plus que la constitutionnalisation. Ça, c'est le fait d'élaborer une constitution sur mesure, déjà, ouais, au point de départ. Un verrouillage préventif. Avec un verrouillage total. Mais chaque fois, ça a été ça. Hein. Ouais. Le Brésil, ça a été ça aussi. Ça a été ça avec Temer en 2016. Et c'était geler les dépenses publiques pour 20 ans. Pierre Sauvêtre, sur la question que je proposais là, d'une métaphysique néolibérale qui serait vraiment à nuancer selon les différents théoriciens, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ou bien... C'est-à-dire que ce qui me semble le plus important, c'est que dans les différents courants, finalement, on retrouve le fait que le droit est au-dessus de la législation. Ouais. Il y a cette distinction qui est souvent opérée par les différents auteurs, les fondateurs du néolibéralisme, entre un droit dont, en effet, on ne sait pas réellement d'où il vient, ce qui peut-être lui donne ce côté un petit peu métaphysique, mais qui en réalité vient d'experts, hein, et qui surplombe les législations qui peuvent être décidées par des gouvernements. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a évoqué le fait que le néolibéralisme était une politique justement de neutralisation de la démocratie et de l'intervention populaire. Mais c'est aussi une conception de la politique qui cherche à neutraliser les gouvernements eux-mêmes. Et donc, empêcher totalement une marge de manœuvre pour que les gouvernants qui puissent prendre l'État, l'appareil d'État, ne puissent en fait rien faire avec cet appareil d'État qui soit contraire aux intérêts, en gros, du capital. Pardonnez-moi du raccourci, hein, mais grosso modo, les règles qui sont sanctuarisées, constitutionnalisées, etc., c'est les règles qui préservent la profitabilité du capital. Hein. Et du coup, on a l'impression que c'est des règles qui sont écrites en faveur d'une petite fraction de la population, alors que Dieu sait pourtant que les néolibéraux ont théorisé le fait qu'il fallait empêcher que des intérêts particuliers dans la société s'emparent du pouvoir et organisent les rapports d'échange d'une manière qui privilégierait un groupe d'intérêts. Mais en fait, concrètement, il y a un groupe d'intérêts qui est absolument préservé et même dont le pouvoir sera sans cesse amplifié, c'est les propriétaires capitalistes, qui sont incroyablement, pas seulement protégés, mais érigés en fait en maîtres du monde par ces logiques-là, ces règles de marché. Et du coup, on se demande un peu, mais ces néolibéraux, là, les Hayek, les autres, vous les appelez des entrepreneurs politiques. Hein. Ce n'est pas seulement des théoriciens, ils n'écrivent pas seulement des bouquins qui seraient comme ça dans le ciel des idées. C'est des entrepreneurs politiques. Et on a du mal à comprendre, mais... Pourquoi ils font ça? C'est-à-dire pourquoi ils organisent la suprématie absolue du capital? Est-ce que c'est des acteurs économiques qui auraient des intérêts à préserver, en leur nom propre, en quelque sorte? Est-ce que c'est des idéologues sincèrement terrifiés par les totalitarismes qui, de fait, dans les années 30, s'amplifient? Parce que c'est toujours ça leur argumentaire, c'est de dire « Oh là là, démocratie égale totalitarisme, le socialisme, c'est le fascisme et tout ça ». Et donc, ce seraient des idéologues sincèrement terrifiés et donc ils vont essayer de mettre en place un antidote qui est complètement raté, mais on pourrait leur faire crédit de la bonne foi par rapport à un contexte historique, effectivement, où la démocratie accouche de ses démons. Et alors, j'avais une troisième hypothèse, oui, les marionnettes du capital, c'est-à-dire, en gros, ils sont un peu... un peu aveuglés par leurs financeurs, notamment la société Dumont Pellerin, elle est financée par les sociétés pétrolières texanes, donc il y a le capital derrière qui finance, et puis eux, du coup, ils développent les doctrines qui sont favorables à leurs financeurs, mais en étant un peu les idiots utiles du bidule. Vous voyez, j'ai du mal à comprendre pourquoi ces mecs, ils sont tellement farouchement opposés à l'égalité, à la justice, enfin, il faut quand même un engagement viscéral pour faire des théories pareilles. C'est par intérêt personnel, c'est par terreur sincère. Enfin bref, c'est qui ces mecs, quoi? Comment pensent-ils? Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? En un mot, je dirais plutôt que ce sont des élites effrayées par la peur des masses. Ouais, ouais. C'est-à-dire ni tout à fait des gens qui ont un intérêt absolument direct au développement du capitalisme, tel que peut l'avoir, par exemple, un chef d'entreprise, ouais. Des idéologues simplement mus par une croyance parfaitement élaborée. Pour la plupart, ce sont en particulier les premiers fondateurs du néolibéralisme qui viennent d'Allemagne et d'Autriche, von Mises pardon, et von Hayek. C'est l'aristocratie prussienne. Ouais. Hein, d'accord. Donc, en fait, c'est des démophobes de base, quoi. Ils ont peur des foules, ils ont peur de la plèbe. Il y a cette dimension-là. On insiste, il y a un chapitre du livre qui porte sur la démophobie. Ce sont des gens qui parlent en termes de « il faut sauvegarder à tout prix la civilisation du capitalisme ». Ils sont clairement effrayés par un bouleversement auquel on est plus habitués, nous, aujourd'hui, mais je veux dire qu'est le bouleversement, justement, de la démocratie représentative qui se met en place, des premiers partis ouvriers, hein, du mouvement ouvrier, en fait, lui-même. Bon, il y a évidemment aussi le contexte de la révolution russe, mais finalement, du surgissement des masses sur la scène publique, c'est ça qui est, pour eux, inacceptable. Et donc, il y a d'emblée le problème posé par les néolibéraux, c'est finalement la crise du libéralisme au sens du système et de l'ensemble des institutions qui permettaient au capitalisme de développer son libre cours, qui en fait se brise sur ce surgissement du peuple. Et donc la cause en fait de la crise du libéralisme du 19e siècle, du libéralisme classique, c'est la démocratie. En fait, c'est la démocratie. Et donc l'antidote, c'est l'échafaudage d'une doctrine politique et une construction institutionnelle qui permettent de faire barrage à cette démocratie. Voilà, donc c'est à la fois un rejet de la démocratie, et il y a une forme de mépris de classe aussi assez évident. Il parle, voilà, Röpke, par exemple, hein, qui est un théoricien du courant de l'ordolibéralisme, parle des travailleurs, des ouvriers, comme des envahisseurs barbares, etc., etc. Ils sont plusieurs à utiliser ce genre de formulation. Oui, oui, avec quelque chose de très, très réactionnaire dans les expressions. Là, tout à l'heure, vous disiez qu'ils avaient le projet de sauver la civilisation du capitalisme. Attention, pour eux, civilisation égale capitalisme. Hein, il y a une synonymie parfaite entre civilisation et capitalisme. Et avec l'idée que hors du monde occidental capitaliste, barbarie, arriération mentale quasiment. Enfin, c'est une doctrine qui est foncièrement réactionnaire, conservatrice, raciste. Elle a dans ses gènes, si je puis dire, dès le départ, ce que ne laisse pas forcément apparaître par la suite, comme il va y avoir des avatars plus progressistes après du néolibéralisme, mais en fait, la doctrine de départ est effectivement très, très réactionnaire. Vous vouliez compléter? Oui, c'est simplement que c'est vraiment le contexte de la formation du néolibéralisme qui permet d'expliquer le comportement de ces gens-là, effectivement. Ce n'est pas des intérêts professionnels directs ou des intérêts économiques directs qui sont en cause, parce qu'il y en a un certain nombre qui, n'occupent pas de position dans l'économie, pas du tout, même pour beaucoup, hein. Donc, il ne faut vraiment pas considérer que c'est le ressort, ce n'est pas ça tout le moteur. En revanche, il y a une peur, comme l'a dit Pierre, il y a une peur qui est viscérale de l'irruption des masses sur la scène politique. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a 1917, il y a 1918 en Allemagne, donc la révolution très importante de 1918 en Allemagne, qui est à l'origine de toutes les difficultés ensuite de la République de Weimar. Et ils vont se former dans ce milieu-là, ils vont se former dans ce contexte-là. Donc, c'est un contexte de crise. On a eu tendance à considérer que c'était comment dirais-je, les nazis que les néolibéraux avaient choisi d'emblée comme adversaires privilégiés. En fait, ce n'est pas vrai du point de vue de la formation historique du néolibéralisme. Les adversaires principaux, c'est les sociodémocrates en Autriche, donc c'est l'expérience de la social-démocratie en Autriche, avec ce que représentait la Vienne rouge de l'époque, des années 20. Il faut se rappeler tout cela pour bien comprendre. Et puis, c'est la République de Weimar, avec les difficultés qu'elle a, avec le problème de sa gouvernabilité, puisque à la fin, il y en a un certain nombre qui, pour autant, ne sont pas nazis, mais qui vont en appeler à la figure d'un président autoritaire ayant les pleins pouvoirs. Donc voilà, c'est ce contexte-là qui permet de comprendre qu'ils sont poussés dans cette logique-là, et donc leur élaboration doctrinale, leur prise de position théorique ne sont pas dissociables de prise de position politique. Ça, c'est, il faut d'ailleurs les créditer de ce lien-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent la question du néolibéralisme sous un angle purement doctrinal. Et à notre avis, c'est faire totalement fausse route que d'imaginer ça. Ah ouais, d'accord. Alors, s'agissant de politique, quand vous décrivez l'interventionnisme néolibéral, notamment à la fin du bouquin, vous écrivez l'interventionnisme néolibéral n'est pas seulement économique ou juridique, il est social, il est politique, il est culturel, il est total, au sens où le sont les guerres civiles du néolibéralisme. Il investit toute la société parce qu'il ambitionne de faire advenir une société de concurrence. Bon, vous montrez bien que c'est un projet politique tout à fait cohérent, global, et un peu total, voire totalitaire. C'est-à-dire, on a l'impression, là, il y a une telle prétention à organiser la totalité des rapports sociaux, culturels, imaginaires, tout est pris. Qu'est-ce qui nous retient, au fond, de dire que le néolibéralisme est un totalitarisme ? En tout cas, un projet totalitaire, alors qu'il a lui-même affirmé, le néolibéralisme, qu'il se posait en rempart contre des formes de totalitarisme. Il a beaucoup argumenté sur le fait qu'il était un rempart contre le totalitarisme. En fait, dans ses principes mêmes et sa vocation à confisquer la démocratie et transformer toute la société conformément à ses propres desiderata, qu'est-ce qui nous retient de dire que c'est un totalitarisme ? Il me semble que ce qu'on a montré dans le livre, c'est effectivement que le néolibéralisme se déployait sur toute une diversité de fronts. Chaque chapitre, finalement, vient étayer le fait que les néolibéraux définissent un affrontement vis-à-vis en particulier des couches les plus défavorisées de la société dans l'État, dans le droit, dans l'appareil judiciaire, dans l'économie, dans la culture également. Mais pour autant, ce n'est pas, me semble-t-il, une organisation centralisée, et en particulier centralisée depuis l'État, qui opère en fait cette guerre civile, ou qui opère ces interventions, mais plutôt un ensemble finalement de pratiques. D'organisations qui ne sont pas nécessairement unifiées entre elles, qui vont mener cette bataille-là. Et donc, il n'y a pas par conséquent non plus une tentative d'embrigader la population à travers un outil qui serait absolument centralisé. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est une différence par rapport, en tout cas, à la catégorie classique de totalitarisme. Ouais. Ça, il faut prendre acte de cela. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a parlé de l'État totalitaire, quand Mussolini lui-même parle d'ailleurs de l'État totalitaire, il a en vue quelque chose de précis, c'est-à-dire une mainmise exercée par l'État sur l'ensemble de la société à travers un enrégimentement des masses, à travers une organisation hiérarchique, à travers une structure corporative, etc. Alors, de ce point de vue-là, non, le néolibéralisme n'est pas du tout un totalitarisme. La même chose d'ailleurs pour la figure du nazisme, parce que c'est très différent dans le rapport à l'État. L'État n'est pas tout, n'est pas le tout non plus. Pour les nazis, ils ont un rapport, comme l'a montré Johann Chapoutot, qui est assez instrumental à l'égard de l'État, alors que les Italiens de Mussolini, c'est plutôt statocentré. Mais il n'empêche qu'il y a cette importance quand même de l'État, des missions reconnues à l'État. Là, c'est un peu différent, parce que finalement, on s'aperçoit qu'avec le néolibéralisme, c'est plutôt une façon d'élargir et de généraliser les relations qui sont les relations caractéristiques du marché, à l'ensemble de la société et à l'État lui-même. Donc, oui, c'est un totalitarisme d'un type un petit peu particulier. Hein, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas non plus dire, par exemple, totalitarisme inversé, comme certains l'ont dit, parce que ce serait un totalitarisme qui ferait, comment dirais-je, prévaloir, finalement, l'économie sur le reste de la société. Les choses sont un peu plus complexes, mais il y a indiscutablement un projet qui est de refondre et de réorganiser toutes les relations sociales à partir de la logique et celle du marché. Parce que le projet, c'est celui d'une société de marché, d'une pure société de concurrence. Donc, et on sent bien, même si on n'est pas embrigadé, en régimenté, dans des organisations de masse, qu'en réalité, ça colonise quand même nos âmes, puisque on est constamment, en gros, méprisé comme citoyen, valorisé uniquement, flatté comme consommateur, et comme cela seulement, mais sinon, comme travailleur, on est maltraité, comme citoyen, on est méprisé, comme sujet d'émancipation, on est purement aboli, c'est-à-dire qu'on sent bien que le néolibéralisme, quand même, vient oui, coloniser nos âmes. L'expression est un peu métaphorique, mais il y a quelque chose d'une invasion de la subjectivité à laquelle on ne peut pas résister. Alors, même si ce n'est pas unifié, effectivement, dans un organe central qui, comme ça, déciderait, comme un politburo, quoi, n'empêche que les effets produits sont bien cela même d'un totalitarisme, c'est-à-dire que ça, peu à peu, ça reconditionne toutes les subjectivités conformément à un objectif qui est la valorisation du capital. Et tout ce qui est extérieur à cet objectif est en nous aboli, détruit ou malmené. En fait, on le vit comme un régime totalitaire parce que ça produit les effets d'un totalitarisme. Peut-être il faut nuancer ça, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il me semble que dans le livre, il y a une dimension un peu historique. On essaye de, même si évidemment on ne traite pas de tous les aspects du néolibéralisme depuis les années 30, mais je veux dire, on passe en revue un certain nombre de périodes historiques. Et finalement, au départ, ce que disent les néolibéraux, c'est qu'il faut créer un système de telle sorte que rien ne puisse perturber le marché. Ouais. Et on cite à un moment donné du livre, dans le chapitre 3, Ludwig von Mises qui dit voilà, la fonction de l'État, c'est vraiment de soumettre tous ceux qui cherchent à perturber le marché. Ouais. Et il me semble que finalement, la logique de construction de l'État néolibéral, si on est d'accord pour employer ce terme, c'est une logique, on pourrait dire, contre-insurrectionnelle. Ouais. Qui s'est en fait progressivement déployé, on pourrait dire amplifié. C'est-à-dire qu'au départ, c'était le mouvement ouvrier qui menaçait l'État. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'histoire du XXe siècle, je dirais que de nouveaux groupes, de nouvelles revendications, il y a les mouvements des années 60-70, finalement sont venus presque, entre guillemets, grossir les troupes de ceux qui voulaient finalement revendiquer un certain nombre de droits démocratiques et de justice sociale. Et finalement, les moyens mis en place par le néolibéralisme pour finalement neutraliser ces demandes démocratiques se sont eux-mêmes amplifiés. Mmh. Et il me semble qu'on est arrivé à un moment, et c'est pour ça qu'il y a peut-être cet effet plus de, on pourrait dire, de totalisation plus totalitaire, qui fait qu'aujourd'hui, le néolibéralisme, les gouvernements, en fait, aujourd'hui, disposent dans tous les domaines des moyens, finalement, de neutraliser les revendications sociales, que ce soit des outils juridiques, encore une fois, policiers, démocratiques. Ils ont une panoplie, en fait, d'outils et de stratégies qui leur permettent, pour l'instant, De tenir le choc face aux revendications. D'où peut-être cet effet, mais il y a un effet de cumulation historique. Vous avez employé l'expression de guerre contre-insurrectionnelle permanente, enfin, ou c'est moi qui rajoute permanente, je ne sais plus, mais en tout cas, oui, on a l'impression d'une guerre contre-insurrectionnelle permanente. Vous marquez bien dans le livre à quel point la violence néolibérale n'est pas comme la violence fasciste, une violence de principe et de conquête du pouvoir, mais plutôt une violence réactionnelle à des menaces qui viendraient se manifester autour d'elle. Mais du coup, si le néolibéralisme aujourd'hui en est rendu à la contre-insurrection permanente, est-ce à dire qu'il y a donc un climat pré-insurrectionnel autour, enfin, ça nous renverrait de bonnes nouvelles de la situation politique s'ils en sont à ce stade-là de commencer effectivement maintenant à déployer les LBD systématiquement et tout ça. Alors cette violence contre-insurrectionnel perçoit les signes en nous, et on est content, de dispositions pré-insurrectionnelles ? Alors, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, quand on parle de guerre insurrectionnelle, on emprunte à un certain nombre de théoriciens, notamment un théoricien américain, Harcourt, qui parle en effet de stratégie contre-insurrectionnelle. Il fait référence plutôt d'ailleurs aux stratégies qui ont été adoptées par les armées des États coloniaux, les États impériaux. Il fait référence en particulier à ce qui a pu se passer aux États-Unis ou à ce qui a pu se passer en Algérie avec la France ou en Indochine avec la France, dans la mesure où il y a eu des méthodes qui ont été expérimentées et qui ont été ensuite directement transportées à l'échelle de la métropole, cette fois-ci sur le front interne, dans les luttes sociales et politiques qui opposaient donc les gouvernants à un certain nombre de groupes de population. Donc ça, je crois que c'est assez important. Mais en même temps, Harcourt dit qu'il y a, en l'occurrence, une contre-révolution sans révolution. Bon, alors donc, contre-révolution sans révolution, ça... donc, je ne dis pas que ça doit relativiser complètement la remarque que vous avez faite, mais... C'est vrai qu'il n'y a pas de situation directement révolutionnaire aujourd'hui, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Il y a des situations comme celle de certains pays en Amérique latine qui s'en approchent. Il y a des situations, bah, celle du Chili a été une situation révolutionnaire pendant plus d'un an. Il faut quand même le dire, parce qu'on a très peu parlé du Chili en France comme dans d'autres pays, et tout le monde a découvert au moment des élections des 15 et 16 mai dernier qu'il y avait quelque chose qui se passait au Chili depuis 2019. Bon. Ouais. Donc, en réalité... Parce que c'était simultané avec les Gilets jaunes chez nous aussi. Alors, c'était exactement... Alors, c'est vrai que 2018-2019, et puis, en effet, ce mouvement de novembre 2019, octobre-novembre 2019, qui éclate au Chili, qui est très important. Mais il y a des situations qui sont des situations de nature à créer une panique, même si elles ne sont pas directement des situations révolutionnaires ou des situations insurrectionnelles. Mais vous avez fait référence aux Gilets jaunes, c'est un très bon exemple. Parce que là, on a vu... c'est vraiment la trouille. C'était vraiment, je me souviens très bien, et ça faisait plaisir, d'un certain point de vue, de voir cette trouille affichée, y compris dans la réaction pseudo-musclée de Macron disant cette foule haineuse. Je me souviens très bien des grandes périodes rhétoriques de Macron. Mais ça témoignait quand même d'une peur bleue. Voilà, ça, la peur des masses. On retrouve justement la peur des masses dont on a parlé à propos du début et des origines du néolibéralisme. Ce sont les conditions dans lesquelles le néolibéralisme s'est formé. Et on voit que c'est toujours quelque chose qui prévaut actuellement. Ça n'est pas du tout quelque chose qui appartient au passé. C'est au contraire d'une très grande actualité. Oui, il y a une grande stabilité. Hein. En fait, de la rhétorique néolibérale, c'est fou quand on lit les citations des années 30-40 par rapport à aujourd'hui. Enfin, c'est les mêmes phrases, en fait. Il y a une grande stabilité de cette rhétorique. Vous avez évoqué la notion d'État néolibéral en posant la question, est-ce qu'on accepte donc cette notion, l'État néolibéral ? Bon, c'est compliqué, hein, la question du rôle de l'État, et on n'est pas, enfin, il y a plein de manières de penser l'État. Est-ce qu'il est complètement... absorbé dans la logique du capital, ou eh bien est-ce qu'il peut avoir une forme d'autonomie ? Alors on connaît les travaux d'Ardo Laval qui en général ont tendance à avoir une grande méfiance vis-à-vis de l'État. Bon, mais par exemple, du coup, s'agissant de l'État en France, comment analyser le fait que le Conseil d'État, là, récemment, ait censuré la loi d'assurance chômage, hein, le projet de réforme de l'assurance chômage, et puis déclaré que les NAS, la pratique policière des NAS, était illégale. On a là, donc, des petites manifestations de quelque chose comme un État de droit. Qu'est-ce que c'est ? C'est les derniers reliefs d'une époque sans doute révolue où il y avait encore la possibilité d'un État de droit qui ne serait pas complètement l'otage des logiques néolibérales. C'est un simulacre qui sera sans effet parce que c'est purement consultatif et machin. Enfin, voilà. Comment on analyse ces petits éléments où l'État semble être le garant, le protecteur des libertés publiques, de la justice sociale ? Comment on l'analyse dans votre logiciel à vous qui a tendance à être extrêmement défiant par rapport à l'État ? Bon, ben je veux bien me lancer. Mais il y a là, en effet, des éléments qui sont absolument indiscutables. Mais ça ne signifie pas pour autant que ça concerne l'État pris dans son ensemble. Ce sont des éléments à l'intérieur de l'appareil d'État qui peuvent, le cas échéant, prendre des positions qui peuvent... Ensuite, servir de point d'appui éventuel à la remise en question politique d'un certain nombre d'actes du gouvernement. Ouais. Donc ça me paraît tout à fait indiscutable. Mais fort heureusement, il y a ça. Oui. Fort heureusement. Donc c'est des outils précieux qu'il faut continuer à mobiliser. Mais bien sûr. Mais par exemple, si on prend l'État social, L'État social, c'est quelque chose qu'il faut défendre. Mais comment le défendre? Est-ce que ça signifie que l'État social peut être considéré comme finalement ce qui donne à l'État sa véritable mission, en idéalisant peut-être justement l'État tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt justement travailler à opposer l'État social à l'État néolibéral? Ce qui veut dire à ce moment-là que pour opérer une telle opposition, il faut pouvoir justement travailler à partir de pratiques d'autogouvernement à tous les échelons. Et on ne pourra véritablement opposer l'État social et le sauver de sa destruction par l'État néolibéral, l'opposer à l'État néolibéral, que si justement on multiplie les institutionnalités populaires, c'est-à-dire les institutions qui peuvent remettre en cause l'hégémonie néolibérale dans les actes, dans les pratiques. Donc en fait, je ne crois pas qu'il y ait de débat en fait, métaphysique. Alors là, pour le coup, sur la question de l'État, moi je suis très méfiant à l'égard justement d'un tel débat en général, parce que ce n'est pas la nature de l'État en général qui nous importe, c'est l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire l'État néolibéral avec ses contradictions. Et heureusement, on constate qu'il y a des éléments de résistance de l'intérieur même, ben, c'est très bien. C'est très bien, au contraire. Ça signifie que la transformation n'est pas complètement achevée. Mais de là à considérer que l'État pourrait être un instrument en bloc dont on pourrait saisir pour faire avancer la cause des dominés, alors là, il y a un pas que je ne franchirais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous et qui ne franchiraient pas non plus ce pas-là. Parce que là, c'est une illusion. C'est l'illusion selon laquelle on pourrait faire de l'État un instrument au service des dominés, de telle sorte qu'on pourrait retourner cette arme-là contre eux. Non. C'est pas possible. On peut enrayer des logiques dans l'État, on peut travailler à résister à certaines logiques, mais on ne peut le faire qu'en mobilisant à l'extérieur de l'État. Sinon, l'État social ne sera pas, il sera pas sauvé comme ça parce qu'un certain nombre de gens à la tête de l'État central, de l'État de la Ve République tel qu'il fonctionne aujourd'hui, tout d'un coup seront visités par le Saint-Esprit de la justice sociale et se diront non, il faut absolument sauver ce qui reste. C'est pas le problème. C'est pas du tout le problème, même si Xavier Bertrand a dit récemment qu'il préférait être allié aux communistes plutôt qu'au Front National ou au Rassemblement National. Ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien d'entendre dire ça. Mais il n'en reste pas moins qu'il ne faut bien sûr pas faire confiance du tout à ce genre de politiciens pour sauver ce qui reste de l'État social, qui est gravement atteint, qui est gravement malmené, parce que la logique que l'État néolibéral tend à imposer à l'institution de l'État social, c'est précisément une logique qui mène à sa destruction complète. Alors, ça n'est pas le cas pour l'instant, ça n'est pas le cas, ce n'est pas le cas pour les services publics, mais il faut travailler justement à arracher les services publics à cette logique impitoyable qui est celle de l'État néolibéral, et on ne peut le faire qu'en élargissant justement la démocratie, c'est-à-dire qu'en faisant en sorte que le nombre des citoyens qui prennent part à ce travail-là soit de plus en plus grand et de plus en plus élevé. Mais ça, ça ne passe pas par un processus constituant, parce que là, quand même, on a vu que tout à l'heure, il y avait une clé, il y a un verrou du côté de la constitutionnalisation en Union européenne, au Chili, partout, enfin les néolibéraux mettent un verrou à cet endroit-là. Et donc, et on voit bien qu'au Chili, ce qui est en train de se passer, là, le soulèvement populaire 2019, il débouche sur un processus constituant, et donc là, il y a quand même un rapport avec l'État, qui est une manière de... on va passer par les urnes, il y a des représentants qui vont rédiger cette constitution, mais cette fois-ci, donc, il s'agit de passer par l'État, mais pour reconfigurer complètement le jeu institutionnel. Et donc là, le processus constituant, c'est quand même une manière de réinterroger l'État ou de le réinvestir qui est prometteuse et manière de l'arracher, peut-être de se donner les moyens de l'arracher aux griffes du capital dans lequel il s'est complètement abandonné. Vous voyez, le processus constituant, c'est quand même une autre affaire. Et donc, par exemple, un parti politique ou un mouvement qui s'annoncerait lui-même comme ayant un projet constituant. Qu'est-ce qu'on fait avec LFI, le moment où Mélenchon annonce dans l'avenir en commun, si je suis président, on fait une constituante. Ça, c'est un rapport à l'État qui permettrait, aussitôt pris, de faire un travail de redémocratisation de l'ensemble des institutions. Alors, un, on pense que Mélenchon ne fera jamais un truc pareil parce que ce n'est pas du tout dans sa nature. Ou deux, cette méthode-là, conquérir le pouvoir par les urnes, puis faire un processus constituant, ce ne serait pas la bonne méthode? Qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que le néolibéralisme, justement, ce qu'il a montré, c'est qu'on pouvait se servir de l'appareil d'État pour défaire un certain nombre de formes démocratiques, finalement, du type des services publics, de la sécurité sociale, etc. Et donc... Je pense que notre position, enfin je donne la mienne et puis Pierre donnera la sienne ensuite, ce serait pas tant de récuser peut-être le processus constituant en tant que tel ou son bien fondé et sa raison d'être et son intérêt, mais ce serait de dire que ça n'est pas suffisant, ça n'apporte pas un garde-fou suffisant. Dans la mesure où nous vivons justement dans des régimes constitutionnels qui pour autant peuvent être instrumentalisés de l'intérieur vers des fins tout à fait antidémocratiques comme le... Oui, mais on pourrait mettre des verrous. On pourrait, nous aussi, faire une constitution qui verrouille et qui empêche complètement la mainmise du capital sur nos vies, en fait. On pourrait penser une constitution... qui interdit. Oui, mais les verrous peuvent être déverrouillés à partir du moment où le pouvoir est absolument concentré dans l'organe d'État. C'est pour ça qu'on insiste davantage sur la dimension instituante, sur les institutions et les institutions démocratiques. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de meilleure garantie de la démocratie que la répartition du pouvoir démocratique entre les citoyens et donc la construction d'institutions démocratiques, donc un processus constituant qui permettrait de développer en fait une démocratie véritable. Voilà, après on pourrait discuter des formes, mais par exemple sur la base d'assemblées populaires ou avec des dimensions effectivement de référendums beaucoup plus directs, beaucoup plus développés et de contrôle aussi citoyen sur les représentants beaucoup plus développés qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors oui, pourquoi pas? Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a peut-être un doute entre la posture très souverainiste de Mélenchon et la concentration du pouvoir, et puis justement cette démocratie citoyenne en réalité. Bien sûr. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de doute même. Il n'y a pas de doute en ce sens que c'est contradictoire, c'est tout à fait contradictoire. Et il faut comprendre justement que l'exemple de ce qui s'est passé et de ce qui se passe au Chili peut nous servir de leçon. C'est-à-dire que là, bien sûr, on a une situation tout à fait particulière avec le verrouillage dont on a parlé à propos de Pinochet depuis 1973-75, avec sa consécration constitutionnelle en 1980. Mais là, il se passe quelque chose quand même d'assez étonnant, c'est que ce mouvement-là, le réveil d'octobre, à partir du début du mois de... enfin, octobre-novembre, disons 2019, ce qui s'est passé, c'est une multiplication des assemblées populaires. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont tendance totalement à occulter ce trait-là et à faire comme si la seule chose qui était importante, c'était le vote du 25 octobre 2020. Alors, ils ont deux points en ligne de mire, 25 octobre 2020 et 15-16 mai 2021. Ils disent, voilà, c'est extraordinaire, le Chili nous montre une leçon et la souveraineté populaire s'exerce parce que les gens ont voté pour la première fois de leur vie à propos, justement, de la façon de faire une constitution. Et c'est vrai que c'était très important puisque les partis ont essayé de manœuvrer pour empêcher que ça soit une véritable constituante. Ils voulaient que ça soit une convention mixte avec 50% des représentants des partis qui avaient une place d'office. Ils voulaient ceci, ils voulaient cela. Bon, le vote du peuple chilien a été très clair, mais il faut quand même ne pas renverser complètement, justement, l'ordre des choses. C'est-à-dire, le point de départ, ça n'a pas été la Constitution et la nécessité de changer de Constitution. Le point de départ, ça a été la remise en cause directe de toute la politique de Piñera et de tous les gouvernements qui ont précédé. Et petit à petit, de fil en aiguille, on en est arrivé, justement, à la remise en cause de ce verrou, c'est-à-dire à l'exigence d'une nouvelle Constitution. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'institutionnalité populaire par en bas, les assemblées de quartier, ce que les Chiliens appellent les cabildos, qui ont été le point de départ de tout ce mouvement. Donc il ne faut pas non plus considérer que c'est d'abord un processus électoral, et puis ensuite qui va éventuellement déboucher sur la remise en cause de l'organisation sociale et politique voulue par Pinochet. Ça va certainement aller très loin. Je pense qu'il y aura un certain nombre d'institutions qui seront purement et simplement abolies. Je pense que notamment sur la question du féminisme, etc., ça va considérablement avancer. Et c'est une très bonne chose, notamment qu'il y ait eu justement une parité absolue pour la première fois dans l'histoire des constitutions modernes, c'est-à-dire qu'il y a eu une parité stricte entre les délégués de cette convention constituante femmes et les délégués hommes. Ça, c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Mais je crois que ce qui est important, c'est de bien restituer l'enchaînement des choses, c'est-à-dire bien de considérer qu'il y a d'abord cette irruption spontanée, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de dirigeant de la France insoumise ou de quelque chose qui pourrait être comparé à Mélenchon. Absolument rien. Il y a une coalition de partis qui s'appelle le Frente Amplio. Ce n'est pas du tout lié à la personne charismatique d'un leader. Ce sont des petits partis. Et puis, il y a les délégués de cette constituante, de cette assemblée constituante qui sont issus des mouvements sociaux. Voilà. Ça, c'est les deux choses qu'il faut retenir du Chili. Donc, ce n'est pas du tout le populisme, pas du tout le populisme, l'identification au chef charismatique qui va faire le peuple. Donc, ça n'a rien à voir. Mais en un sens, avec les Gilets jaunes, on a eu quelque chose d'une tentative de tenir des ronds-points, qu'ils soient des lieux, justement, de délibération, le lieu d'une réédification, en tout cas, d'une dignité citoyenne, de la possibilité de commencer à penser les institutions. Alors, chez les Gilets jaunes, ça a débouché sur la revendication du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et non pas la question d'un processus constituant. Et puis, surtout, chez les Gilets jaunes, le mouvement a été en quelque sorte explosé sous la violence des LBD, quand même. Enfin, il y a un nombre de mutilations. Alors, je sais qu'au Chili... Oui, ils s'en sont pris plein la tronche aussi. Hein. Je ne dis pas que nous, les Français auraient plus souffert. Hein. Mais en tout cas, en France, ce qu'on a observé, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un découragement des Gilets jaunes à force de faire perdre un œil, une main en manif le samedi après-midi. Hein. Je ne sais plus, il y a 25 éborgnés, 5 mains arrachées, les cabanes des ronds-points rasées au bulldozer, etc. Il y a eu cette tentative pour quelque chose d'instituant, en tout cas, une tentative par des individus, d'organiser du collectif, de la délibération et tout, mais ça a été rendu absolument impossible par la violence d'État. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on s'est dit « Oh là là, mais on dirait le fascisme ». Et c'est peut-être là qu'il faut commencer à rentrer dans le distinguo. On dirait le fascisme, mais en fait, non. C'est pas le fascisme. Ce qui s'est passé en France au moment de la répression des Gilets jaunes, cette criminalisation de l'opposition politique, cette violence physique exercée contre les contestataires, c'est une caractéristique néolibérale, absolument. Elle fait partie du process, mais ce n'est pas comme la violence fasciste. Alors, j'avais annoncé en introduction qu'on ferait un moment un point sur ça, bien poser le distinguo entre c'est quoi la violence fasciste par rapport à la violence néolibérale. On peut partir de ça, justement, de l'expérience des Gilets jaunes, la répression féroce qu'ils ont prise. Comment ça s'interprète, comment ça se distingue de la violence fasciste? Il y a un passage de Ludwig von Mises qu'on cite à un moment dans le livre qui justement fait la distinction entre une violence qu'il assume en tant que libéral ou néolibéral, peu importe ici, d'un côté, et puis la violence fasciste de l'autre, où il dit que finalement la violence fasciste, c'est le fait de gouverner véritablement par l'usage systématique et quotidien de la violence, alors que la violence libérale consiste non pas à utiliser la violence à un moindre degré, il dit que c'est finalement le même type de violence et c'est assumé, simplement c'est sur une courte durée, et ce qui caractérise le néolibéralisme, c'est la capacité à revenir à des formes pacifiques une fois qu'on s'est débarrassé de la lutte des classes. Parce que c'est ça qu'il dit. Donc, d'abord, on élimine les adversaires et après, ce sera la paix. C'est une violence en termes de violence utilisée par l'appareil d'État et la police qui est de même intensité, mais simplement qui n'est pas systématisée dans la durée. Et il y a une capacité du néolibéralisme à montrer d'autres formes de gouvernement et en particulier... À prendre la forme de la démocratie. Je veux dire, à prendre le visage d'une démocratie formelle. Une démocratie formelle. Et ça, c'est quand même extrêmement important, évidemment, dans la politique moderne et, dans le monde démocratique, au sens de la démocratie représentative telle qu'il existe depuis le 19e siècle, pour expliquer la durée du néolibéralisme. C'est-à-dire que, les néolibéraux ne s'en sortiraient pas aussi bien et ne continueraient pas autant s'ils n'avaient pas été capables de prendre la forme de la démocratie. Enfin, de produire les simulacres de la démocratie. Alors, produire. Je ne sais pas si on peut dire produire, mais en tout cas, Oui, de faire en sorte que ces simulacres soient bien agencés en fonction des nécessités de la lutte politique dans un instant donné. Ouais. Voilà, il y a peut-être, faut-il revenir là-dessus, une insistance de notre part à marquer la plasticité du néolibéralisme et sa capacité justement à s'adapter à des situations qui sont très différentes. Donc il y a des gens qui disent, ben non, dès le début, le néolibéralisme, ça a été démocratique, la norme était une norme démocratique, et puis ensuite, maintenant, on assiste à une dégénérescence. Bon, nous ne sommes absolument pas d'accord, mais nous ne considérons pas pour autant que le néolibéralisme exclut l'utilisation, le recours à des formes parlementaires, par exemple. Simplement, c'est une démocratie libérale qui est vidée de son contenu, parce que, certes, il y a la façade parlementaire, mais de plus en plus, les parlements eux-mêmes n'ont pas tellement leur mot à dire, finalement. Donc, du strict point de vue de la démocratie libérale classique, il y a une remise en cause qui est assez nette. Hein. Ce qui ne veut pas dire que ça prend la forme de la violence fasciste telle qu'on a pu l'expérimenter dans l'histoire, en particulier dans les années 30. Donc, la violence fasciste, Ludwig von Mises dont parlait Pierre, c'est effectivement quelqu'un qui considère que la violence fasciste a rempli une mission civilisatrice. Il va jusque-là. Donc il va jusque-là, il faut quand même rappeler ça. Mais c'est quelqu'un qui, en même temps, considère que les fascistes en font trop à cet égard. C'est-à-dire qu'ils vont trop loin. Ils ne comprennent pas qu'au bout d'un certain temps, il faut justement laisser place à d'autres formes que cette violence-là. Donc voilà, il faut savoir finalement prendre en compte la diversité des situations. Et c'est ça là, aussi l'approche du néolibéralisme par la stratégie. C'est que quand on interroge les doctrines, à ce moment-là, souvent, on se dit, mais non, ce n'est pas du tout antidémocratique, c'est au contraire plein de respect pour les formes démocratiques, etc. Et puis, quand on lit certains passages, on se dit, mais comment on peut accorder avec ces passages-là les autres, ou au contraire, il y a un appel à écraser l'ennemi. En réalité, ce ne sont pas du tout des contradictions pour les néolibéraux, parce que précisément, la question n'est pas doctrinale, elle n'est pas intellectuelle. Elle est d'abord et avant tout une question de stratégie. Donc, comment on est amené à identifier les ennemis? Et comment on vient à bout de ses ennemis? Par quelle tactique, par quelle méthode on vient à bout de ses ennemis? C'est pour ça qu'on a insisté sur le fait que le sens, le troisième sens qui était donné par Foucault à la notion de stratégie était pour nous le plus important. L'idée qu'on cherche à neutraliser un adversaire pour le rendre, comment dirais-je, dans l'incapacité de continuer à lutter ou à résister. Voilà. C'est effectivement le fond de la stratégie. Mais je parlais de produire des simulacres parce que, évidemment, dans le débat public, la notion de démocratie continue d'être un référent absolument central et tout le monde s'en réclame. Et donc, bien sûr, les néolibéraux au pouvoir doivent pouvoir se réclamer aussi du geste démocratique et donc doivent régulièrement produire quand même ce que j'appelle des simulacres. Bah, typiquement, la convention citoyenne convoquée par Macron est un moment merveilleux. C'est ironique et pas ironique à la fois ce que je dis, parce que de fait, il s'est produit des choses merveilleuses. En fait, concrètement, à l'intérieur de cette convention citoyenne, tout à coup, il y a une sorte de production, d'une délibération, d'une réflexion, de mesures qui sont proposées, qui sont vraiment très raccord avec l'intérêt général. Là, quelque chose comme de la démocratie se réalise vraiment. Bon. Et en même temps, simulacre dans le sens où ces citoyens tirés au sort une fois rentrés chez eux. De toute façon, aucun compte ne sera tenu d'aucune sorte de ce qu'ils ont fait là. Et du coup, quand vous parliez de le recours à la violence ponctuelle et en même temps, à d'autres moments, on va donner un visage, le gouvernement va montrer un visage plus pacifique, ça me fait penser du coup à la variation de la gestion des manifs. C'est-à-dire d'une semaine à l'autre, quand on est très manifestant et qu'on y va quasiment tous les week-ends, d'une semaine à l'autre, il y a des semaines où on est dans la violence néolibérale très ouverte, on a les flics partout, en Robocop, etc. Et puis une manif sur cinq, on peut défiler tranquille, on ne voit pas la police, comme si effectivement le pouvoir gérait apparition, disparition de sa propre violence pour continuer à donner des gages de démocratie. Mais j'ai l'impression que ces gages de démocratie, la convention citoyenne, les manifs qui parfois se déroulent convenablement, ces gages vont aller s'amenuisant à mesure que la contestation va s'intensifier. Parce que de toute façon, à la fin des fins, il n'est pas question de faire droit à la démocratie, dans la doctrine libérale, néolibérale. Je veux dire, en réalité, c'est pas du tout, il n'y a pas d'humanisme dans le logiciel néolibéral, et il n'y a pas non plus de vrai respect de la démocratie, je crois. Aucun des fondateurs de la doctrine néolibérale n'a une considération, un respect pour la norme démocratique, et même, me semble-t-il, pour la question des droits humains. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je les noircis un peu, je les diabolise peut-être excessivement en disant ça. À la fin des fins, en fait, ils nous élimineront si on devient trop contestataire. Alors, juste une chose. En fait, il y a quand même une question qui est très importante et qu'on aborde dans le livre, c'est que les néolibéraux ont tout de même besoin, à un moment donné, des masses. C'est-à-dire, il y a à la fois un mépris, cette démophobie, cette peur des masses, etc. Mais parce que, justement, ils n'entendent pas gouverner de manière systématique à long terme par la violence. Et donc, ne serait-ce que pendant les moments de démocratie formelle, ils ont besoin de l'appui des masses pour être électeurs. Comme électeurs, vous voulez dire en même temps, on voit bien que l'abstention monte et en fait, ça ne change rien. Même si les masses ne se déplacent presque plus. Oui, mais parce qu'ils ont, justement cette stratégie de guerre civile et de ce qu'on appelle dans le livre la division du peuple qui leur permet de se maintenir au pouvoir sans être renversés. Et donc, effectivement, c'est un appui des masses qui est pour le moins ambigu, mais qui est tout de même recherché et qui est donc un paradoxe très profond du néolibéralisme, puisqu'en même temps, ils entendent gouverner tout à fait contre les populations et sans rien leur concéder du tout. Mais justement, on insiste donc sur cette notion de guerre civile, dont un des aspects consiste à déplacer les termes de l'affrontement politique, y compris sur le plan idéologique et culturel. Et ça nous semble être justement une donnée assez explicite de ce qu'on vit en ce moment, de manière aussi à défaire les coalitions socio-économiques qui pourraient se former. Les coalitions populaires qui pourraient se former raciales, par exemple, contre le néolibéralisme, des coalitions populaires, mais à travers la constitution, voire la création de toutes pièces d'ennemis, l'islamo-gauchisme, la non-mixité, etc., etc. Mais ça peut être les militants écologistes assimilés à des terroristes, etc. Eh bien, on va constituer des ennemis de manière à créer des camps, à créer des identifications de la part de certains groupes populaires contre ces ennemis et de manière à empêcher finalement la formation de coalitions alternatives. Et donc le néolibéralisme, il réussit davantage parce qu'il empêche d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on est dans une situation d'impasse totale. C'est que sur le plan économique, évidemment, c'est désastreux. Le néolibéralisme ne réussit rien de ce qu'il promet. Les promesses de libération par l'entreprise, la start-up, etc. Ça, évidemment, on constate que ça ne fonctionne pas. Mais il parvient à neutraliser, il parvient à désamorcer la formation d'une alternative. Oui, il faut souligner simplement, et je crois qu'on essaie de le faire dans le livre, qu'il y a une nouveauté de la situation contemporaine, qui est celle du néolibéralisme, par rapport au contexte qu'on a évoqué précédemment, qui était justement celui des années 20 ou 30, donc celui, effectivement, de certains mouvements particulièrement menaçants du point de vue de l'ordre social fondé sur la propriété privée. Cette nouveauté, elle réside dans deux caractères qu'on met en évidence justement dans le livre, et notamment à la fin du livre. Le premier caractère, c'est le dédoublement du néolibéralisme, avec le néolibéralisme progressiste d'un côté. C'est ce que j'appelais Rose Palme-Pal dans mon introduction. Voilà, exactement. Ouais. Néolibéralisme modernisateur, néolibéralisme qui insiste sur l'ouverture culturelle, etc., mais qui, par contre, ne cède absolument rien concernant justement la structure de l'ordre social et la préservation de l'ordre de la propriété privée. Mmh. Et puis, de l'autre côté, le libéralisme nationaliste, ce nationalisme concurrentialiste dont on parle dans le livre. Et puis, le deuxième caractère, c'est que, justement, il y a un retournement, comme l'a dit très justement Pierre, il y a un retournement du peuple contre lui-même. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez nouvelles et inédites. Ça n'existait pas sous cette forme-là, en tout cas dans les années 30, lorsque le néolibéralisme s'est formé. Ce retournement du peuple contre lui-même... En même temps, le retournement du peuple, c'est un ressort fasciste aussi, de désigner au peuple un bouc émissaire à détester. Enfin, cette histoire de retourner le peuple contre lui-même, c'est aussi un peu... Bien sûr, mais ça, le ressentiment également ne date pas d'hier. La haine ne date pas d'hier. Ouais. Donc il y a du ressentiment, il y a de la haine dans la façon dont ce retournement est opéré, ou en tout cas dont les néolibéraux s'efforcent d'obtenir que le retournement se fasse. Mais il y a eu, il ne faut pas l'oublier non plus, il y a eu une alternance de ces deux versions du néolibéralisme au pouvoir pendant des années, pendant des décennies, avec des versions hyper autoritaires, des versions plus douces, sophistiquées, etc., mais avec toujours le même résultat sur le plan fondamental, qui est celui justement du choix de l'orientation, qui est celle de l'économie et du pays. Donc finalement, au bout du compte, il y a ce retournement qui est opéré notamment à l'initiative du nationalisme, du néolibéralisme de type nationaliste, avec un certain succès dans un certain nombre de pays. Mais ils se sont appuyés pour opérer ce retournement sur la faillite patente qui est celle des néolibéraux progressistes qui les ont précédés. Alors, ce que vous appelez les néolibéraux progressistes, c'est la gauche du gouvernement. C'est la gauche du gouvernement. Quand je dis progressiste, c'est parce qu'eux-mêmes célèbrent sans arrêt le progrès. Rappelez-vous la fameuse... c'était quoi, une petite causerie avec des promoteurs de start-up de Macron disant ils veulent le retour aux Amish. En parlant de la remise en cause de la nécessité d'introduire un débat démocratique sur la question de la 5G. Donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est un révélateur aussi d'un logiciel fondamental. Ce néolibéralisme-là, c'est le cas de Biden, c'est le cas de Justin Trudeau, frère jumeau à cet égard de Macron. C'est vraiment des gens qui se ressemblent beaucoup. Et je crois qu'il faut tenir compte de ça. C'est que vraiment, ce retournement intervient aujourd'hui dans un contexte tout à fait particulier, qui n'est pas celui des années 30. Oui, oui. Et bon, vous rappelez évidemment le grand virage qu'on connaît bien des années 80, où effectivement, cette gauche du gouvernement, c'est le moment où la gauche adopte la doctrine néolibérale, et que ça causera évidemment un tort immense et à la gauche et aux populations, et ça donne encore un siècle de fraîcheur au capitalisme, en gros, d'avoir cette réjuvénation par les valeurs progressistes. En vous lisant, je reconsidérais à quel point ce virage, cette trahison des années 80, c'est évidemment pas juste en France. En France, notamment, on a cristallisé sur le virage de Mitterrand, Jacques Delors et tout ça, mais en fait, quand vous faites la liste de tous les partis sociaux-démocrates qui ont fait dans les années 80 ce virage-là, on se dit en fait, c'est pas une affaire de personne. Ça sert à rien de détester Mitterrand ou Delors. Il y a vraiment quelque chose là, comme un tsunami. J'ai du mal à comprendre comment ça se fait que, dans les années 80, ça devient une certitude pour tous les sociodémocrates que, bien sûr, la doctrine néolibérale est indiscutable. Il faut se ranger à ces analyses. Enfin, comment ça se fait qu'il y a une telle hégémonie à ce moment-là et que... Est-ce que c'est l'échec, on sait bien, l'échec du bloc soviétique, c'est ça qui fait que tout le monde part de l'autre côté? Comment on comprend cette trahison absolument planétaire de la gauche, quoi? C'est bizarre, non? Je sais pas. Il y a des logiques assez complexes qui ont traversé les partis politiques à ce moment-là, mais... il y a une déstabilisation en fait du keynésianisme qui est attaqué de toutes parts. Mais parce que de fait, il n'était vraiment pas concluant, le keynésianisme. Je me souviens de vous l'avoir lu. Voilà, la critique du keynésianisme fait que parce que de fait, ça s'était enlisé dans des impasses économiques. C'était vraiment pas concluant. Il y a eu des phénomènes d'inflation, suite. Ça. Aux différentes crises du pétrole et sur lesquelles, en fait, en particulier, la droite a vraiment tiré à boulet rouge. Et les partis de gauche ont senti la nécessité de se recomposer à ce moment-là et se sont éloignés des classes populaires. senti la nécessité, hein, vous dites, ils ont senti la nécessité, c'est-à-dire sans anticiper la catastrophe politique qu'ils étaient en train de perpétrer, parce qu'en réalité, l'abandon des masses populaires, bah, c'est des masses qui vont peu à peu s'orienter, évidemment, dans le ressentiment d'extrême droite, c'est quelque chose qui va discréditer complètement bah, tout le système électoral, la démocratie représentative, du coup, on n'y croit plus, puisqu'ils font la même chose, enfin, ils ont senti la nécessité sans du tout considérer, en fait, la catastrophe politique qu'ils étaient en train de perpétrer. Alors, c'est vrai que sur le moment, ce n'est absolument pas le cas, hein. De toute façon, ils ne prévoient absolument pas ce qui va arriver, mais ils sont pressés. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils se sentent pressés par des circonstances et ils disent on ne peut pas faire autrement, il faut prendre le tournant, sinon les autres vont nous dépasser dans la concurrence, dans la logique de la concurrence entre les États-nations, qui est celle de cette période-là, dès 1980. Donc, ce qui se passe avec Mitterrand, c'est qu'effectivement, on voit aujourd'hui, non sans une certaine surprise, les sommets auxquels Mitterrand participe avec Thatcher et Reagan. Donc, c'est assez fantastique de voir ça et le fait de trouver un langage commun. C'est-à-dire que les trois parlent comme ça, comme s'il s'agissait d'une évidence, de la nécessité, par exemple, de refondre le système bancaire. Les Français ont été parmi les pionniers, il ne faut jamais l'oublier. Ça, hein, il faut jamais l'oublier. Ils sont précurseurs et non la pas France, suiveurs. Exactement. Ouais. Or, ça, je pense qu'il y a un élément fondamental qu'il faut justement analyser à propos de ce tournant-là, c'est que beaucoup de gens, notamment à gauche, disent c'est la nécessité de s'adapter au cours du capitalisme mondial qui fait que les sociodémocrates sont passés à la défense du néolibéralisme. Mmh. Alors je pense que la situation est beaucoup plus complexe et qu'en particulier le cas français montre qu'ils ont pris les devants à un moment donné. Ouais. Ils ont eu même un complexe du retard français. Ils ont considéré, à partir de 1980, qu'il fallait mettre les bouchées doubles pour attraper ce retard. Et ça n'a pas été sans incidence, parce qu'ensuite, il y a eu tout ce qui s'est passé dans les années 90 avec le fameux manifeste de Blair et de Schröder, la nouvelle gauche moderne, etc. Bon, tout ça a eu les conséquences que l'on sait. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y a un rapport à l'État dans la social-démocratie. Alors, social-démocratie, à mon avis, on ne peut plus utiliser le terme aujourd'hui, hein, parce que ça fait référence à un passé qui est vraiment dépassé. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens aujourd'hui, ça n'écrit rien de concret aujourd'hui. Pour moi, c'est la gauche néolibérale et la droite néolibérale. Ouais, d'accord. Mais il n'y a plus nulle part de social-démocrate. Il n'y a pas de social-démocratie. Alors si, il y a des social-démocrates, peut-être, mais il n'y a pas de parti social-démocrate qui est l'ambition qu'avaient les partis social-démocrates à une certaine époque. C'est-à-dire quand même de lutter pour imposer par des mobilisations un rapport de force susceptible de permettre d'arracher un certain nombre de concessions sociale. Ça, c'est fini. Oui, oui. C'est fini. Donc, il faut les appeler des néolibéraux progressistes. Oui, oui, c'est ça. Exactement. C'est la raison pour laquelle je refuse, moi, de parler de partis sociodémocrates. Ils sont d'origine, si on veut, ou d'ascendance social-démocrate, mais ça n'a plus rien à voir. Et il faut toujours se rappeler que c'est le rapport à l'État qui est fondamental. Mitterrand, c'est quand même, en 1954, la seule négociation en Algérie, c'est la guerre. Il y a un rapport à l'État des sociodémocrates qui permet de comprendre la rapidité avec laquelle le virage s'opère en 1980-1990. C'est le rapport à l'État qui décide de tout. Parce que ce sont des gens qui ont été habitués pendant des décennies à considérer que l'État, c'était justement ce qu'il fallait à tout prix préserver. Donc il y a une continuité dans l'exercice du pouvoir avec la droite. Certes, on affichait nos désaccords, mais néanmoins, on était d'accord sur le fond, c'est-à-dire préserver la structure de l'État telle qu'il est. Bon, et ça a été le cas, malgré la dénonciation du coup d'État permanent, Mitterrand a fini par se rallier. Et puis Blair et Schröder, il faut imaginer ce que Blair a pu faire grâce à Thatcher. C'est-à-dire qu'il n'a pu intervenir dans les conditions dans lesquelles il est intervenu que dans la mesure où il avait été précédé par Thatcher et avec le coup de massue donné au mouvement syndical, avec la façon dont la grève des mineurs a été brisée. Sinon, Blair n'aurait jamais pu faire le dixième de ce qu'il a fait. Donc ce sont des gens qui, en plus, tiraient parti de la façon dont la droite la plus dure et la plus conservatrice a réussi à mettre en œuvre un certain nombre de ses projets. Voilà. Alors, on s'achemine vers la fin de cette discussion et donc de la question de comment en sortir. Quelle stratégie pour essayer de s'arracher à ces griffes. Alors, le dernier, d'ailleurs c'est la conclusion même, oui, le dernier chapitre de la guerre civile à la révolution, ça prend beaucoup appui sur la révolution contre la guerre civile que fut la Commune de Paris. Donc, s'appuie beaucoup sur ce logiciel, si je puis dire, politique-là, celui de la Commune de Paris, disqualifie, mais on vous a entendu le faire pendant l'entretien, le logiciel populisme de gauche. Bon, pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure, on n'y revient pas. Évidemment, on ne va pas s'appuyer sur les néolibéraux progressistes, puisque c'est des néolibéraux. Donc, on est plutôt sur la question d'un autogouvernement à la base. qui se méfient grandement de l'État. Et moi, toujours devant cette question-là, cette manière de penser la résistance et la stratégie, je m'inquiète toujours de cette manière, du coup, de récuser la question de la prise de l'État, de la conquête de l'État. De toute façon, c'est pas la question. Mais du coup, on laisse à l'État la violence militaire et du coup, quoi qu'on fasse, à la fin des fins, si on s'occupe pas de prendre l'État, quoi qu'on fasse, à la fin, il y a l'appareil militaire qui est resté l'agent de l'État et qui vient, du coup, écraser ce qu'on a entrepris de mettre en œuvre. Donc, et bon, la Commune de Paris, ce sont les Versaillais qui déboulent, bon, la Semaine sanglante. J'arrive pas à comprendre comment on pense l'édification d'une alternative en ne prévoyant pas aussi la question de la prise de l'État, ne serait-ce que pour désarmer l'appareil militaire ou l'empêcher de nous empêcher, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien obligé quand même d'envoyer des forces aussi du côté de la prise de l'État pour neutraliser notre premier adversaire, qui est la police ou l'armée, et qui viendrait nous empêcher de construire l'alternative, non? Oui, tout à fait d'accord. Enfin, l'alternative ne peut pas se mettre en place avec l'État tel qu'il est aujourd'hui, ouais, et les forces, ouais, de répression dont il dispose. Tout à l'heure, on a dit, voilà, Pierre a utilisé cette formule que le néolibéralisme était un peu une contre-révolution sans révolution, ouais, et on se disait que, voilà, finalement, il y avait une répression assez féroce, alors même que les dispositions insurrectionnelles n'étaient pas forcément très manifestes. Mais je voudrais un peu relativiser quand même cette idée, parce que des mouvements sociaux d'ampleur, bon, on a évoqué le Chili il y a pas si longtemps, la Colombie, et puis en 2019, avant la crise du coronavirus, il y a quand même eu des vagues de mouvements importants à Hong Kong, en Amérique latine, au Moyen-Orient aussi. Il y a eu bien sûr les gilets jaunes en France, et c'est pas rien. Mais au fond, ce qu'on constate, et on l'a évoqué en parlant du néolibéralisme et de son rapport à l'ensemble des partis politiques, en fait, et du champ politique, c'est que, par contre, il y a un vide total entre ces mouvements et puis l'espace politique, ouais, qui pourrait finalement les... pas les représenter, mais les développer en un sens démocratique. Et je crois que le vide, il est là, et que la question, c'est celle de la recomposition d'un paysage politique. Pierre l'évoquait un peu quand il a parlé du Chili, mm-hmm, et de la manière dont aussi le paysage politique chilien, qui est apparu avec le vote de la Constitution, mais ce n'est pas le vote de la Constitution qui l'a fait apparaître, ce sont, ouais, les mouvements à la base. Et donc... nous, on insiste beaucoup quand on parle de révolution, pas justement au sens peut-être classique de la révolution comme insurrection, mais de la, ouais, révolution comme auto-institution. Ça avait, ouais, été un thème que Pierre et Christian Laval avaient déjà développé dans Commun. Et donc, la dimension des institutions populaires qui pourraient se consolider, quelque chose qui doit être sans doute créé dans le temps, et puis s'opposer à la forme de l'État tel qu'il est, de manière à le désarmer et à créer un espace institutionnel absolument nouveau. Donc ces institutions qui pourraient être issues des mouvements sociaux, elle pourrait constituer une alternative à opposer et à confronter à l'État lui-même. Donc la question de l'État et de son désarmement n'est pas du tout absente et exclue de notre raisonnement, au, ouais, contraire, mais simplement, il nous semble qu'elle ne peut se faire que par le développement d'un pouvoir démocratique, d'une capacité démocratique qui pourrait venir du peuple et qui ne peut être développée que de l'extérieur et pas à partir des institutions qui, malgré tout, corsettent les possibilités d'émancipation. Oui, ce que je voudrais juste ajouter, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre, c'est que le désarmement de l'État ne peut pas provenir de l'intérieur de l'État. Le désarmement de l'État ne peut pas être le fait d'une équipe dirigeante au sommet de l'État. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. C'est que les gouvernants qui arrivent au terme d'un processus électoral, à la tête de l'État, même s'ils ont éventuellement le projet de désarmer ceux qui peuvent menacer les mouvements sociaux, s'arrêtent en général très très vite, parce que la logique de l'appareil d'État est telle qu'ils sont mis assez rapidement hors d'état de nuire. Je reprends l'exemple du Chili qui est très éclairant. En 1973, lorsqu'il y a eu le coup d'État, donc il y a eu une expérience de l'unité populaire qui a duré 3 ans. Or, l'une des grandes critiques que l'on peut faire à Allende, alors Allende, je refais une parenthèse à propos de la social-démocratie, lui fut un authentique social-démocrate. Mais comme il n'y en a plus, hein, et Mitterrand et Allende, ce n'est pas la même chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc Allende a eu un tort terrible. C'est de faire confiance, de pêcher par légalisme. Oui, c'est-à-dire de considérer que les forces armées allaient respecter le verdict du suffrage universel. Ouais. Et de faire confiance à Pinochet quelques jours encore avant le coup d'État du 11 septembre. Ouais. Ça, c'est terrible. Donc, ça nous montre que s'il n'y a pas, s'il y a, admettons, voilà, hein, on va faire un scénario comme ça, politique fiction, il y a une majorité électorale de gauche qui arrive au pouvoir. La question va se poser tout de suite de savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle doit faire en fonction de ce qu'elle peut faire. Et si vous prenez l'exemple très proche de nous de la Grèce, vous voyez que si un gouvernement issu d'une majorité de gauche qui veut un changement très profond de l'ordre social recule parce qu'il privilégie un face-à-face avec des institutions comme celle de la Troïka, comme ça a été le cas précisément en 2015, alors ils sont foutus. Ouais. La seule possibilité, c'est de s'appuyer sur le développement d'institutions populaires créées à la base, qui justement vont faire en sorte que le rapport de force soit créé de façon à favoriser le désarmement des milices d'extrême droite, des fascistes et de ceux de l'armée qui justement rêvent éventuellement d'un coup d'État, comme ça peut assez vraisemblablement et probablement se produire. Et il y aura des projets de ce genre. Donc toute la question est de savoir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire en étant à la tête éventuellement de l'appareil d'État, mais sans mettre tous ses œufs, en ne disant pas on va réformer l'État de l'intérieur en faisant en sorte qu'il devienne un instrument aux mains des dominés. Ça, je n'y crois pas un seul instant. Ça, c'est vraiment le type de fable ou d'illusion qui peut s'avérer meurtrière. En revanche, développer en dehors de l'État et tâcher de favoriser leur coordination, etc., des organismes qui ont justement cette vocation d'être des pouvoirs instituants pour aller vers une véritable révolution, au sens où la définit Pierre, c'est-à-dire une auto-institution de la société, ça oui, j'y crois. Je crois même que c'est la seule voie praticable. Je crois que l'autre est suicidaire. Ouais. Mais alors, cette auto-institution de la société, peut-il se passer d'être armé, puisqu'en face, on nous fait la guerre, voilà. Puisque les néolibéraux sont prêts à tout, y compris à exterminer leurs opposants. Hein. Et on voit, à chaque fois que ça chauffe un peu, au Chili récemment, voilà. Oui, bien sûr, on tire à balles réelles sur la foule. Bon. Du coup, de même que vous tirez leçon de l'expérience chilienne en soulignant à quel point, précisément, les cordons industriels hein, qui ont été cette auto-institution, cette organisation par la base. Bon, ils étaient dépourvus de toute organisation permanente démocratique, faites-vous valoir, basée sur des délégués élus en assemblée. Donc, ça manquait un petit peu d'institutionnalisation, si l'on peut dire. Et puis, surtout, on avait surestimé leur capacité à faire face militairement. Ils avaient été décrits comme... ils avaient été décrits par les conservateurs comme menaçants militairement. En réalité, ils étaient désarmés. Ils n'étaient pas armés. Mais est-ce que ce n'est pas une des leçons à tirer? Et on est peut-être un peu embarrassé parce que ce n'est pas tellement dans notre culture militante, la question d'être armé. Mais étant donné qu'en face, ils ont fait le choix de la guerre civile, est-ce qu'on peut raisonnablement être de gauche sans être armé? C'est horrible, cette question. Dans le cadre de tout ce que vous dites des auto-institutions, hein, voilà, d'un peuple qui s'organise, en fait, est-ce que ça sert à quelque chose si, par ailleurs, il ne s'organise pas aussi militairement ? Ce qui est clair, c'est que les exemples qu'on a, même si c'est des cultures qui sont éloignées de nous et des conditions qui sont éloignées de nous, avec les expériences comme le Chiapas ou le Rojava, sont des expériences qui nécessitent le recours aux armes, mais dans une optique, justement, d'abord de défense des institutions populaires. Ouais, ouais. Donc ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que voilà, il y a une réflexion sur l'usage des armes tel qu'il est fait d'abord pour défendre un projet plutôt que pour d'écraser un ennemi. Un adversaire, tout à fait. C'est ce qu'on dit un peu dans la conclusion, qu'il ne faut pas forcément justement rentrer dans le piège de la guerre civile, de la guerre civile elle-même, mais forcé de constater voilà, que effectivement. Les communeux étaient armés. La Commune de Paris est un soulèvement armé qui défend son institution, son auto-institution par les armes. Donc, si on considère que ce modèle politique est pertinent, du coup, on est obligé de passer aussi par cette catégorie-là, de s'armer pour se défendre. Ben, il faut envisager cette possibilité, il faut la prendre très au sérieux. Il ne faut pas du tout l'écarter en disant non, la voie électorale va suffire, on va éventuellement la compléter par, comment dirais-je, l'affichage de muscles de la part du camp du peuple, etc. Non, tout ça, c'est des foutaises, pardonnez-moi l'expression. Mmh. Mais il faut envisager ça sérieusement. Simplement, il faut regarder les expérimentations qui ont pu être menées. Regardez la ZAD, par exemple, c'est très intéressant. Il y a eu l'opération César en 2012. Il y a eu une résistance qui n'a pas été sans recours à la violence physique. Et c'était tant mieux. Très bien, ça a permis de la faire échouer. Il y a eu 2018, alors là, avec une stratégie de terreur qui faisait penser à une zone de guerre, puisqu'il y avait un monopole des images, une confiscation des images par la gendarmerie et la police. Mais il n'en reste pas moins que là aussi, il y a eu une résistance avec la violence physique. Donc il faut toujours envisager, surtout lorsqu'il s'agit de défendre des acquis fondamentaux, lorsqu'il s'agit de défendre des formes de vie expérimentées en commun, il ne faut pas hésiter, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Ouais. La question se pose de savoir si on peut extrapoler comme ça en se disant qu'est-ce que l'on va faire, est-ce qu'on va prendre nous-mêmes les devants en faisant une sorte d'insurrection comme ça à froid, ça n'aurait strictement aucun sens. Alors là, c'est l'écrasement assuré. C'est même pas la peine d'envisager une autre situation. Ouais. Donc je pense que c'est ça qui est en jeu. Hein. Il faut à chaque fois, il faut proportionner le recours à la violence physique à des causes politiques directes, c'est-à-dire à des défenses d'un certain nombre d'acquis ou de conquêtes, et on estime que ça vaut la peine, en effet, de se battre, y compris physiquement, pour les défendre. Ça me paraît tout à fait judicieux. Nous ne sommes absolument pas pacifistes. Merci pour ce mot de la fin. Merci à tous les deux. J'adore. Nous ne sommes absolument pas pacifistes. Oui, c'est vrai, c'est la réalité. Oui, on parle de la guerre civile, on va se défendre. Merci infiniment à tous les deux pour cette discussion passionnante, pour cet ouvrage que je vous recommande. Vous pouvez rentrer dedans, enfin, c'est pas du tout un truc de spécialiste. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui permettent de faire une synthèse extrêmement éclairante, un peu écrasante, mais en fait stimulante. Donc, je vous en recommande la lecture. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain dans le texte. Salut.